LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Bonjour Virginie, comment allez-vous ? Ça va bien, vous ? Ça va ? Vous avez fait bonne route ? Oui. Comment allez-vous depuis que nous nous sommes vus ? Bah écoutez, je me sens apaisée des sujets pour lesquels je vous ai consulté suite au travail qu'on a fait ensemble et des petits exercices que vous me donniez à faire au quotidien à la maison. Et en fait, je me sens beaucoup plus légère et libérée d'un poids qui m'angoissait au quotidien et qui me perturbait dans mon relationnel avec mon mari, mes enfants, ma famille, en règle générale. D'accord. Et justement, il y a eu les fêtes de fin d'année. Ça n'a pas été trop perturbant par rapport à votre maman, vos sœurs. Enfin, vous avez quand même pu passer cette période-là plus sereine. Alors, c'est vrai que j'ai eu un petit moment d'angoisse avant les fêtes de Noël, qui sont des fêtes familiales. Et en fin de compte... j'ai pris pas mal de recul, principalement avec ma mère et une de mes sœurs. Je leur ai souhaité mes vœux, Noël, etc. Comme si rien n'avait existé dans ce mal-être qui avait été construit et que j'ai réussi à déconstruire, en fait. C'est formidable, ça, pour le coup. C'est très bien. Que les malheurs de mes arrière-grands-parents viennent un jour chambouler ma vie, j'y croyais pas. De la psychogénéalogie, pas davantage que de la cartomancie, du thème astral ou des lignes de la main, je n'avais rien à faire. Mais ça, c'était avant. Avant de croiser le chemin de généticiens, pardon, d'épigénéticiens, capables d'affirmer que des informations venues de mes ancêtres pouvaient se faufiler autour de mes gènes, les corrompre, les corriger, les épanouir ou les étouffer. Sans explication rationnelle ni scientifique, Virginie, psychogénéalogiste, elle, suggère à ses visiteurs, aujourd'hui c'est Joséphine, de se soulager d'une hérédité trop pesante à l'aide de jeux. Ce qui m'a le plus marqué comme exercice, je me souviens, c'était sur cette petite table là-bas, c'est remettre en place les grands-parents, les arrière-grands-parents, les frères, les sœurs, les mariages, à la bonne place, au bon endroit. Donc, je prends des objets, ça peut être un petit coquillage pour représenter un enfant, ça peut être une silhouette de femme pour représenter une femme. Et le fait de les positionner, l'homme à droite ou à gauche, l'enfant à droite ou à gauche de la maman, au-dessus ou en dessous, en fait, tout a une signification. Et cette signification-là fait que... on est ou pas à la bonne place. Épigénétique, c'est assez impressionnant. Quand l'ADN fait son intéressant. Les objets, comment on les place, mais aussi l'objet n'est pas anodin. Une série documentaire de Franck Cuvelier, réalisée par Véronique Samouilov. Mettre debout, coucher, donc tout ça aussi, ça rend beaucoup de choses aussi. Une affaire d'héritage. Et c'est la petite histoire dans la grande, parce que faut savoir aussi que nos arrière-grands-parents ou nos grands-parents n'ont pas vécu la même chose que nous, donc ils ont un environnement différent, donc ça permet aussi de mettre en avant des choses qu'ils ont vécues qui ne nous appartiennent plus aujourd'hui, mais que par fidélité ou même par croyance, on va répéter, ou en tout cas on va se retrouver dans des histoires qui vont faire un peu tronc commun avec ce qu'ils ont vécu, alors qu'en fait on n'est pas la même personne, on n'a pas eu le même environnement, on n'a pas eu les mêmes parents, et puis surtout on ne vit pas la même époque. Ou même des personnes qui ont une double culture, ça permet aussi de mettre ça en avant aussi. Alors je remonte jusqu'aux arrière-grands-parents sur 4-5 générations. Donc c'est intéressant de travailler sa psychogénéalogie parce que quand on débloque ça, on peut laisser une porte ouverte à autre chose, à des possibilités. Mais par quel mécanisme épigénétique, quelle alchimie moléculaire, les malheurs de Joséphine ont-ils pu franchir les générations et l'atteindre, elle ? Il y a quand même quelque chose qui fait rêver quand on rentre. Épigénétique et destin cellulaire. Ça fait classe, non? Ça fait classe. C'est ça. En anglais, c'est Epigenetics and Cell Fate. Je ne sais pas si ça, c'est plus classe ou moins classe. Mais... Destin cellulaire. Ne disposant que d'un vieux et maigre diplôme en lettres modernes, je me glisse en usurpateur dans le laboratoire épigénétique et destin cellulaire du CNRS, dirigé par Jonathan Weissman. Donc, les couloirs sont larges, ça c'est important, parce que la vie se passe dans les couloirs, les gens se rencontrent. Et c'est très vivant, c'est pas les gens dans leur bureau, c'est ce qu'on appelle les paillasses, et après les couloirs, et donc il y a beaucoup de pièces partagées avec des microscopes, avec des appareils, donc les gens bougent en permanence. Et donc il y a une dynamique dans les laboratoires, et donc ça c'est mon équipe là. Voilà. Autour de chaque chercheur, il y a une équipe, et donc il faut les donner les noms aux équipes. Et donc on ne sait pas quel nom donner, donc je donnais à mon équipe le nom plasticité des phénotypes cellulaires. The plasticity of cellular phenotypes, qui veut rien dire. Comme ça, je peux mettre dedans exactement ce que je veux. Voilà. Donc, plastique. Bonjour. Bonjour. Donc ça, c'est une. La plasticité, c'est vraiment. On va parler. L'épigénétique et plasticité, c'est important. La grande découverte du 21e siècle, pour le moment, c'est la plasticité des identités cellulaires. Ça, c'est vraiment. C'est ça. Toute l'excitation autour de l'épigénétique qui tourne autour de la plasticité du système vivant. Voilà. Et donc, bon à vous. Oui, donc l'unité c'est ici. Et donc, ça c'est un labo classique. Donc aujourd'hui, les bureaux et les paillasses sont séparés. Parce que les paillasses sont dangereuses. C'est là qu'il y a les molécules dangereuses, les cellules, la radioactivité, etc. Et donc, c'est séparé de en plus un espace de réflexion. Et donc, juste pour vous montrer. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une paillasse. Okay? Donc, c'est un peu comme un bout de cuisine. Et les gens sont très, très attachés à leur paillasse. Donc, c'est le monde dans lequel... Donc, ça, c'est une paillasse pour une personne. Donc, c'est 1,5 mètre de bureau. Donc, c'est du verre. Et là, devant, les gens, ils ont un peu comme la cuisine. On a tous les épices et les choses qu'on aime. Donc, ça, tout se passe ici. Donc, je vais mettre les gants parce que c'est dangereux. Il ne faut pas toucher les choses. Normalement, on met une blouse, donc normalement, une blouse blanche, voilà. Donc, il est là, le blouse. Et on met toujours les gants pour protéger dans les deux sens. Donc, nous, on se protège des produits chimiques et aussi, on ne veut pas contaminer parce qu'il y a l'ADN et les ARN partout sur les mains. Les bactéries, voilà. Donc, on veut séparer les choses. Et tout tourne autour de ça. Donc, ça, c'est comme un pistolet pour. Ça s'appelle une pipette. Okay, ou pipette. Donc, il y a une discussion, pipette, voilà. En fait, cet appareil est utilisé pour transférer un liquide d'un petit tube à un autre petit tube. Okay. Donc, la biologie moléculaire, c'est une biologie de petit volume. Et donc, ça, c'est 1,5 millilitre. Donc, c'est très, très petit. Et on va transférer les très petits volumes et on va mélanger. Un peu comme la cuisine. Donc, les gens, ils passent beaucoup de temps à transférer un liquide d'un tube à un autre tube pour mélanger. Et voilà. Donc, c'est ça la biologie moléculaire. Et comment on transfère? On transfère avec ça, qui s'appelle un cône ou un tip. Ouais. Et c'est pour ça qu'on dit « tips from the Lonely Pipette ». Voilà, donc c'est un jeu de mots, voilà, en anglais. Mais on va prendre les petits volumes, comme ça. Mais des petits volumes de quoi? Les petits volumes de... Donc, on va mélanger les cellules. Donc, les cellules, la biologie moléculaire, c'est la science des choses qu'on ne voit pas. Et donc, il faut les révéler avec les anticorps, avec les choses qu'on va colorer. Mais en principe, c'est des molécules qu'on ne voit pas. L'ADN, l'ARN. Maintenant, tout le monde connaît ces mots parce qu'on était tous injectés avec des ARN. Donc, tout le monde sait qu'est-ce que c'est. Donc, ARN, ADN, protéines et cellules. C'est ça, les objets. Et donc, tout ça est fait c'est des objets qui sont microscopiques. On va transférer dans les petits volumes. Donc, on va mélanger l'ADN avec les cellules, voir comment l'ADN et l'ARN interagissent, voir les protéines qui sont produites, comment ces protéines ont des fonctions. Et donc là on ne voit rien, on ne voit que des petits liquides. Et l'endroit où on voit les choses, c'est le microscope. Là, on peut voir les cellules en vrai. À part qu'on ne voit pas les cellules et les protéines, on voit des choses qui colorent les cellules et les protéines. Bonjour. Suile et Aurélie. Donc Aurélie est en dernière année de thèse. Suile est maître de conférence avec moi. Et Sarah vient d'arriver d'Italie pour un stage. You understand? So also the lab is very, very international. So everyone's changing languages all the time. Donc ici, c'est là qu'il y a une discussion autour des données et des idées. Voilà. C'est très libre, c'est très... ce temps est très important. On ne peut pas être juste à la paillasse. Le temps qui est pris pour réfléchir, pour discuter, voilà. On explore l'inconnu. Donc l'inconnu est toujours un peu troublant. Donc, mais c'est ça qui motive les gens. Voilà, c'est ça qui... ouais, comme les yeux. Les étoiles. Non, mais on voit ça, les gens... J'ai pleuré, Jonathan, c'est tout. En plus, on va travailler beaucoup, on va faire beaucoup de choses qui ne marche pas. On va tester et ça ne va pas marcher. On va bien, on réfléchit, on pleure. et on a des nouvelles idées. On est excité. Cette fois-ci, ça va marcher. Donc, bon. On refait le monde un peu toutes les semaines, mais on avance petit à petit. Le moment de découverte, c'est se dire oh, cette découverte-là, je vais la partager avec toute la communauté scientifique. Et j'ai participé à ma hauteur, en gros, à une découverte. C'est grisant, c'est vrai. Et l'épigénétique particulièrement, c'est particulièrement excitant ? C'est un domaine qui excite beaucoup de gens, pour plusieurs raisons. Non, mais c'est vrai que ça ouvre le champ des possibles. C'est-à-dire que la génétique, c'est une science presque mathématique, qui est extrêmement puissante. L'épigénétique, mais qui est figée, c'est-à-dire que c'est très dur de changer une mutation, en termes de thérapeutique en tout cas. L'épigénétique, c'est l'ouverture vers... c'est réversible en fait, donc on peut changer les choses. Et ça... philosophiquement parlant et conceptuellement, en tout cas, c'est très intéressant. Après, ça touche aussi à notre vie, c'est une question de notre vie quotidienne. Oui. Justement, Jonathan, moi j'allais vous demander comment vous y prendriez pour expliquer à quelqu'un qui ne connaît rien ce qu'est l'épigénétique. Alors, lui expliquer, mais pas le perdre, hein, pas rentrer dans les... Allez, il connaît rien. Comment vous faites quand... c'est une aventure. L'épigénétique, c'est une aventure. Et ce mot est difficile à définir d'une façon simple. Elle change tout le temps. Le mot a été utilisé dans les années 40, pour la première fois, par un monsieur en Écosse, qui s'appelait Conrad Waddington, qui était intéressé par une question relativement simple. D'où vient la forme d'un embryon? Donc, tout organisme part d'une seule cellule qui va diviser pour donner 2 cellules, 4 cellules, 8 cellules, 16 cellules. Et après, les cellules qui étaient pareilles au début, qui ont le même ADN, ils commencent à voir les identités des formes. Et ils vont ensemble donner une forme à l'organisme, alors que c'était écrit nulle part que c'était... Et donc, ce génotype, c'est l'ADN. Et donc, vous êtes né avec un génotype qui est le mélange des génotypes de vos 2 parents. Et après, les phénotypes, c'est les caractéristiques. Donc, vous avez un mélange de caractéristiques. Je ne connais pas vos parents, mais j'imagine qu'il y a un petit peu de père de Franck, un petit peu de la mère de Franck. Et des fois, ça se voit, des fois, ça se voit moins. Et après, il y a les phénotypes qui viennent avec l'âge, parce qu'on va vieillir et donc on va interagir, on va manger, se comporter différemment. Et donc tout ça, ça va impacter notre phénotype. Et lui, Conrad Waddington, était intéressé par la relation entre génotype, l'ADN, et phénotype, qui est l'expression de cet ADN. Et donc, est-ce que ça... Mais non, Franck, est-ce que c'est clair? Non, pas vraiment. Vous ne pouvez pas savoir combien de fois j'ai expliqué à ma femme c'est quoi l'épigénétique. Voilà. Donc après, on donne les images claires pour comprendre. Par exemple, vous avez des milliards de cellules qui viennent tous d'une seule cellule qui est divisée. Donc, toutes les cellules ont le même ADN, mais elles ont les caractéristiques différentes dans le foie, sur la peau, dans le cerveau. Et donc, d'où vient ces différences de phénotypes, de caractéristiques, si le génotype, l'ADN est le même. Okay? Un autre exemple, les jumeaux, les vrais jumeaux. Tout le monde connaît les jumeaux et on sait que les jumeaux ne sont pas identiques, même s'ils ont les mêmes ADN. Donc, ça a toujours été un objet étrange, les jumeaux. D'où ça vient? Comment on peut avoir un phénotype qui est différent sur le même génotype? Et l'épigénétique essaie de comprendre, de contribuer à expliquer ça. Mais pour un biologiste, c'est l'objet, comme on ne peut pas faire les expériences sur l'être humain, on ne peut pas modifier, c'est l'objet parfait pour poser cette question. Quelle est la relation entre génotype, l'ADN, et phénotype? Et comme on voit que les jumeaux ont le même ADN et les phénotypes sont différents, d'où vient cette différence? Donc, elle doit venir de quelque part. Et donc, on fait l'hypothèse qu'elle vient des autres interactions, même au niveau cellulaire, mais aussi au niveau d'un être humain, avec ce qui est autour. Et aussi, on a, si vous connaissez les jumeaux, et c'est bien documenté, qu'avec l'âge, les jumeaux deviennent de plus en plus différents. Donc, l'ADN ne change pas, et donc, ce qui change, c'est l'épigénétique et qu'il une mémoire des interactions. Donc, on commence à voir l'idée que notre ADN peut garder une mémoire des événements de la vie. Et qui pose des questions que je sais que vous allez me poser. Quels événements? Et aussi, une question, c'est d'où viennent ces défenses? Et l'autre question, où est-ce qu'ils vont? Est-ce qu'ils peuvent être transmis à la prochaine génération? Okay? Donc, est-ce que je transmets les mémoires génétiques et épigénétiques comme je transmets les mémoires culturelles? This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the two towers. A huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way! Because you got to help each other get off the floor. I'm now. Dying. Hi, baby. Baby, you have to listen to me carefully. I'm on a plane that's been hijacked. I'm on the plane. I'm calling from the plane. I want to tell you I love you. Please tell my children that I love them very much. And I'm so sorry, babe. I hope to be able to see your face again, baby. I love you. Bye. So the first study was done after 9/11, and there was a lot of panic after 9/11, not only for the psychological. Donc la première étude a été faite après les attentats du 11 septembre, et il y avait beaucoup de panique après le 11 septembre. Pas seulement des réponses psychologiques au fait d'avoir été attaqué, mais aussi des réponses physiques. Parce que dans le World Trade Center, la destruction des bâtiments a entraîné beaucoup de toxines dans l'environnement. So Mount Sinai developed a program where they would monitor anyone who was down. Le Mount Sinai Hospital a donc développé un programme dans lequel étaient surveillés tous ceux qui se trouvaient dans la zone du World Trade Center pour s'assurer qu'ils n'avaient pas été exposés à des toxines. Et un groupe en particulier, dont tout le monde s'inquiétait, étaient les femmes enceintes qui avaient dû s'échapper des tours en feu. We were able to study these women and monitor them throughout their pregnancy. Et donc, nous avons pu étudier ces femmes et les suivre tout au long de leur grossesse. Un jour, quelqu'un s'est rendu compte que beaucoup de ces femmes présentaient des réactions d'anxiété très graves et des troubles de stress post-traumatique. Et donc, bien sûr, Nous étions très intéressés non seulement à aider ces femmes, mais aussi à voir s'il y aurait des effets sur leur bébé à la naissance, ce qui était le cas, et au cours de la période des 9 mois suivants. Et donc, une des choses que nous avons pu faire était de mesurer les niveaux de cortisol salivaire des mères et des bébés. Lors de la première visite de contrôle, qui a généralement lieu environ 7 mois après l'accouchement, nous avons constaté que les niveaux de cortisol étaient plus bas chez les mères qui avaient un trouble de stress post-traumatique. Cela ne nous a pas surpris. C'était une constatation que nous avions déjà faite sur d'autres survivants victimes de ce stress. Mais que les bébés de ces mères aient aussi des niveaux de cortisol plus bas, cela nous a vraiment surpris. Cette étude nous a donc appris que certains processus se produisent pendant la grossesse en réponse à un traumatisme et qu'ils peuvent perdurer chez le fœtus lorsqu'il devient un nourrisson, puis un bébé. C'était donc la première étude. Des bébés 11 septembre qui sont agités, qui dorment mal, se nourrissent mal, grandissent mal, pas seulement par la faute de leurs mères angoissées, rengaine bien connue, mais par le truchement de mécanismes biochimiques. Pour Rachel Yehuda, psychiatre américaine et chercheuse en neurosciences, spécialiste reconnue du syndrome du stress post-traumatique, une autre piste que le tout psychologique s'ouvre enfin. I did not make the link between our findings and epigenetics in 2001 or 2002. Je n'ai pas fait le lien entre nos découvertes et l'épigénétique en 2001 ou 2002, parce qu'en 2001 et 2002, je n'avais pas entendu parler du mot épigénétique. Ce n'est que quelques années plus tard que les gens ont commencé à utiliser ce mot, vers 2004. On a commencé à impliquer l'épigénétique sur la façon dont les traumatismes précoces peuvent déterminer du stress chez les bébés rongeurs. Et je me suis demandé si ce travail était pertinent pour certaines des observations que nous avions faites au même moment sur les enfants adultes de survivants de l'Holocauste depuis 1998. La première étude que nous avions publiée avait montré que les niveaux de cortisol étaient plus faibles chez les enfants de survivants de l'Holocauste, dont les parents souffraient de troubles de stress post-traumatique, et en particulier chez les enfants de survivants de l'Holocauste dont la mère souffrait elle-même de troubles de stress post-traumatique. Alors, lorsque nous avons reçu les premières données sur les bébés nés après le 11 septembre, l'information nouvelle était que certains des effets pouvaient avoir lieu in utero. Auparavant, nous pensions que les enfants avaient un taux de cortisol plus faible parce qu'il était traumatisant ou stressant pour eux d'être élevés par une survivante d'un traumatisme. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils nous avaient dit. Ils venaient en thérapie pour se plaindre de la façon dont ils avaient été élevés, de l'anxiété de leurs parents qui les avaient amenés à craindre beaucoup de choses dans leur environnement, qui en fait ne sont pas très dangereuses, et de la façon dont toute leur vision du monde avait évolué en fonction de leur éducation. Ce qui nous a choqués lorsque nous avons vu les résultats des faibles niveaux de cortisol des bébés nés après le 11 septembre, c'est que cela était sans lien avec la façon dont ils avaient été élevés. C'était quelque chose qui s'était produit au moment de l'exposition, avant même que les parents puissent exercer une sorte d'influence par leur comportement au cours du lien d'attachement précoce. Au contraire, c'était quelque chose qui se produisait très tôt. Et c'est ce qui nous a amené à commencer à penser à nos découvertes chez les descendants d'Holocauste d'une manière très différente. L'autre blague importante pour moi, c'en est une qu'en général on attribue à Groucho Marx, mais elle serait plutôt de Freud dans le mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient. Ça donne un truc dans genre, je paraphrase, je ne ferai jamais partie d'un club qui souhaiterait m'avoir moi pour membre. Cette blague est la clé de ma vie d'adulte au niveau de mes rapports avec les femmes. Annie et moi, on a rompu, et ça, je n'arrive pas à m'y habituer, rien à faire. Et c'est marrant parce que je ne suis pas un moreau, je ne suis pas non plus un dépressif, non? J'ai été un gamin raisonnablement heureux, je crois. J'ai passé mon enfance à Brooklyn pendant la Deuxième Guerre mondiale. Celle-là, vous la connaissez? Je ne sais pas ce qui m'inquiète à propos de la mort, sans doute les horaires, ou encore celle-ci. J'aimerais terminer sur un message d'espoir, je n'en ai pas. En échange, est-ce que deux messages de désespoir vous iraient ? À la grande famille des angoissés chroniques, comme Woody Allen, l'épigénétique fournirait-elle enfin une explication scientifique à leur mélancolie ? Allez, une dernière. J'ai toujours pensé que tant que l'homme sera mortel, il ne sera jamais décontracté. Yeah, so as I started to be, so the work that influenced my thinking the most was the work of Michael Meany and his colleagues. And they were examining the effects of maternal behavior on stress responses in baby rats. Le travail qui a le plus influencé ma pensée est celui de Michael Meany et de ses collègues, qui ont examiné l'effet du comportement maternel sur les réponses au stress chez les bébés rats. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'il y avait des différences dans les hormones de stress comme le cortisol chez les rats adultes qui avaient subi un traumatisme tôt dans la vie. Et donc, alors qu'ils commençaient à décortiquer la raison pour laquelle le comportement maternel précoce pouvait, en quelque sorte, refaçonner le système de réponse au stress chez le rat, depuis bébé jusqu'à l'âge adulte, ils ont compris que c'était le résultat de changements épigénétiques dans l'hippocampe, au niveau du récepteur des glucocorticoïdes, qui est le récepteur auquel le cortisol doit se lier pour exercer son effet. Alors j'ai appelé le docteur Meany et je lui ai dit « Je pense que c'est très pertinent pour notre travail sur les descendants de l'Holocauste et peut-être même sur les bébés post-11 septembre. Pensez-vous qu'il serait possible pour nous de mesurer ces marques épigénétiques chez les gens ? Nous ne pouvons pas les mesurer dans le cerveau, mais nous pourrions peut-être les mesurer dans le sang. » Donc, nous avons développé une procédure pour le faire. Et bien sûr, lorsque nous avons examiné les descendants de l'Holocauste, nous avons constaté qu'il y avait des changements épigénétiques dans la même région où se trouve le même gène. Et selon que les descendants avaient une mère souffrant de troubles de stress post-traumatique. C'est à partir de là que nous avons commencé à développer l'idée que peut-être certains des changements épigénétiques qui se produisent en réponse à un traumatisme peuvent être transmis d'une manière ou d'une autre. Cependant, à ce jour, nous ne savons pas exactement comment ils sont transmis. Mais des études animales ont démontré la possibilité qu'une telle transmission puisse se faire par le sperme ou les ovules. Tiens, je déjeunais avec des types de chez NBC. Alors, je dis à un gars, t'as déjà mangé ? Alors l'autre, là, Tom Christie, me fait, tu viens pour le rab, hein ? Pas tu viens pour le rab, mais pour le rab, hein ? Rabbin, tu piges ? Rabbin ! T'as vraiment la manie de la persécution. Non, détrompe-toi. Tiens, un autre exemple, je vais chez un disquaire. Écoute celle-là. Alors, je tombe sur une grande bringue, blond, cheveux en brosse, à l'appareil. Et il me dit, fouille, nous cassons les prix cette semaine sur les Fagner. Fagner, du schmoll, Fagner. J'ai tout de suite entendu le bruit de botte qu'il y avait derrière ça, sa façon de dire Fagner. Californie, du schmoll. Dirons-nous dada de cette ville de dingo. Our models of stress basically for a long time have said that when we're under threat, when the stressor is in front of us. Nos modèles de stress depuis longtemps disent que lorsque nous sommes menacés, lorsque l'agent stressant est devant nous, nous développons une réponse à ce traumatisme. Nous déclenchons une réaction de lutte ou de fuite qui nous donne l'énergie nécessaire pour faire ce que nous avons à faire pour échapper au stress ou pour lutter contre le stress ou parfois même pour nous figer si c'est la meilleure réaction. Mais jusqu'à très récemment, presque tous les théoriciens du stress s'accordaient à dire qu'une fois l'agent stressant éliminé, la réponse au stress finit par s'atténuer. Si vous avez un accident, une menace, une peur ou un défi à relever, vos hormones de stress sont activées. Mais elles ne sont pas censées rester activées. Mais le trouble de stress post-traumatique nous a posé un dilemme très intéressant, car dans ce trouble, l'événement est passé, mais votre corps continue à réagir comme s'il combattait quelque chose. Pour la plupart des gens, vous avez l'air d'être calme, pas l'air de vous démener, d'être stressé. Mais il se peut que vous ayez des souvenirs traumatisants qui vous poursuivent ou vous hantent, ou que vous ayez une sorte d'hyper-réactivité qui n'est pas causée par le facteur de stress et la réponse au stress, mais qui est causée par un ensemble de changements biologiques qui se sont produits et qui ont modifié la façon dont les gènes liés au stress, fonctionnent. Et cette fois, nous avons examiné un autre gène lié au gène des glucocorticoïdes et nous avons trouvé un changement épigénétique dans une région importante de ce fragment d'ADN, exactement au même endroit chez les survivants de l'Holocauste et leurs propres enfants. Et c'était une nouvelle très excitante, car vous savez, cela suggérait la possibilité que ces changements puissent être transmis. Encore une fois, nous ne comprenons pas entièrement comment, mais c'était évidemment très, très excitant pour nous. Je connais les travaux de Yehuda. Donc, elle et son équipe sont arrivés à montrer voilà, qu'il y a effectivement chez les enfants de personnes qui ont subi des traumatismes comme les camps de concentration, comme le 11 septembre aux États-Unis, etc., on a une tendance, un risque plus accru à avoir des maladies, des troubles psychiatriques. On parle plutôt de troubles du stress post-traumatique et que cela est corrélé avec le fait d'avoir certaines modifications épigénétiques, notamment des marques des méthylations de l'ADN, si je me souviens bien. Chez les plantes, c'est quelque chose qui est très connu, l'hérédité donc épigénétique intergénérationnelle des parents descendants ou transgénérationnelle sur plusieurs générations. Chez les mammifères comme nous, on sait que c'est rare et on n'en sait pas encore autant qu'on voudrait. Parce que à chaque génération, à chaque passage d'une génération à la suivante, il y a des mécanismes qu'on appelle de remise à zéro ou de reprogrammation de toutes les marques épigénétiques, deux fois au niveau de la fécondation juste après et au niveau au moment de la gamétogenèse. Et voilà, presque tout est effacé. Il y a quelque chose qui passe, mais voilà, on ne sait pas encore très bien dire. Il y a des études qui montrent voilà quelles marques peuvent passer, mais voilà, on n'en sait pas encore assez. C'est donc à prendre avec des pincettes cette nouveauté en ce qui nous concerne, nous, les humains. Je me méfie des coups de foudre, de celui de Rachel Yehuda pour l'épigénétique, du mien pour Rachel Yehuda et ses recherches. Il me fallait une douche froide. L'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques de Paris est l'endroit fait pour ça. Et Francesca Merlin, philosophe des sciences, la bonne rééducatrice. Si voilà, on arrive à montrer de façon solide qu'effectivement, il y a de l'hérédité transgénérationnelle épigénétique, on voit qu'il y a une rupture par rapport à la conception de l'hérédité. Tout ce qui importe, ce qui va déterminer en fait le patrimoine génétique d'un enfant, d'un descendant, c'est le patrimoine génétique des parents. Peu importe ce qui s'est passé auparavant, ce qui est arrivé aux ancêtres, voilà, ne compte pas. Au contraire, l'épigénétique montre, au moins pour l'instant chez d'autres organismes que les humains ou que les mammifères, que le passé compte beaucoup. Qu'il y a une hérédité qui peut être ancestrale, qui vient de plusieurs générations en amont et qui va avoir une influence sur la génération suivante. Donc ça, c'est quelque chose qui voilà, pourrait être remis en cause aussi si on arrive à le montrer de façon plus consistante chez les humains. C'est l'idée que notre destin n'est plus déterminé complètement par nos gènes, que l'on ne peut pas modifier. Et que donc, juste par la façon dont on vit, en fait, avec tout ce que cela implique, on peut maîtriser notre destin. Donc reprendre, en fait, les rênes, nous, les individus, de ce qu'on va devenir. Ça nous responsabilise beaucoup, en particulier par rapport aux générations futures, ce qui a fait qu'on a aussi responsabilisé beaucoup les mères, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'études sur comment le style de vie d'une mère, pas seulement quand t'es pendant la grossesse, mais aussi avant la grossesse, peut avoir un impact sur ses descendants. Et donc ça tombe toujours sur les femmes, alors qu'on est en train de plus en plus de montrer que aussi les pères peuvent transmettre à travers des marques épigénétiques dans nos spermes des influences qu'ils ont pu peuvent participer au fait que les enfants aient par exemple une santé ou en bonne santé ou aient plus de risques de développer certaines maladies chroniques, etc. Mais je pense que c'est risqué de responsabilité dans les individus, étant donné qu'on ne peut pas tout maîtriser. C'est bien ça le problème. Et on ne peut pas tout maîtriser, surtout du côté de l'environnement. Bien sûr, on peut essayer d'avoir un certain style de vie, manger mieux. Quoique, ça dépend de notre niveau social, par exemple. Notre statut économique et social. Et donc la responsabilité, il me semble, elle est plutôt collective dans cette question épineuse de savoir... Voilà, comment l'environnement peut influencer l'épigénétique et donc la façon dont nos gènes s'expriment. Hé hey. Hein? Je crois que je vais t'acheter ces bouquins-là. Mais c'est rudement difficile, ce genre de bouquin. Oui, oui, oui, mais c'est parce que je suis un type obsédé par la mort, tu sais. Pour moi, c'est le problème de base, quoi. J'ai une vision du monde très pessimiste. Et il vaut mieux que tu le saches si on doit sortir ensemble. Pour moi, la vie se résume à deux possibilités, l'horrible et le misérable. Il n'y a que deux catégories, tu vois. Il y a l'horrible, comme par exemple... Je ne sais pas, les longues maladies, tu vois. Ouais. Et puis les infirmes, les aveugles, ouais. Comment ils font pour tenir le coup, ça m'a toujours épaté. Et puis il y a le misérable, c'est-à-dire tous les autres, et c'est tout. Alors au fond, quand on vit, il faut remercier le ciel d'être misérable. Parce que c'est une veine inespérée d'être misérable. Le poids de l'histoire, oui, c'est quelque chose de très important dans notre façon humaine d'envisager le futur. Mais en même temps, ça lève en quelque sorte, je veux dire, d'un point de vue philosophique qui n'est pas lié à la biologie, je penserais que le poids de l'histoire est celui de nous apprendre à ne pas faire les mêmes erreurs, par exemple. Alors que dans le cas de l'hérédité épigénétique, si on dit, voilà, l'hérédité ancestrale, ça compte et ça va influencer le futur, ou par exemple, imaginons, des traumas du passé vont avoir un effet négatif sur les générations futures, à travers des marques épigénétiques, imaginons qu'on puisse vraiment montrer ça de manière solide, ça enlève un peu d'espoir, au contraire. Parce que, voilà, on est lié au passé. Bien que, c'est qu'on parle toujours aussi du fait que l'épigénétique, tous les changements épigénétiques sont plus facilement réversibles que des changements génétiques. Ça pourrait, voilà, au contraire, redonner de l'espoir à cette réversibilité plus élevée de l'épigénétique. Cette étude, la première du genre, a fait l'objet d'une grande publicité. En quelques semaines, je me suis retrouvée à la tête d'un centre de recherche sur l'Holocauste, nouvellement créé au Mount Sinai Hospital. Rachel Yehuda, New York Times. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Les personnes qui appelaient n'étaient pas toutes des survivants de l'Holocauste, mais la plupart étaient des enfants adultes de survivants de l'Holocauste. Un interlocuteur particulièrement motivé, je l'appellerai Joseph, insistait pour que j'étudie des personnes comme lui. « Je suis une victime de l'Holocauste », a-t-il affirmé. Lorsqu'il s'est présenté pour un entretien, Joseph n'avait pas l'air d'une victime de quoi que ce soit. Beau et riche, banquier d'affaires en costume Armani, il aurait pu sortir des pages d'un magazine. Mais Joseph vivait chaque jour avec le vague sentiment que quelque chose de terrible allait se produire et qu'il devrait peut-être fuir ou se battre pour sa vie. Il s'était préparé au pire depuis l'âge de 20 ans, en gardant de l'argent liquide et des bijoux à portée de main et en devenant compétent en boxe et en arts martiaux. Ces derniers temps, il était tourmenté par des crises de panique et des cauchemars de persécution. Les parents de Joseph ont survécu à plusieurs années à Auschwitz et puis sont arrivés sans le sou aux États-Unis. Presque toutes les nuits, Joseph réveille sa famille en poussant des cris de terreur à cause de ces cauchemars. Our work was featured in the New York, and the New York Times article was really framed the question very nicely because until our work, the idea that there were problems in children of Holocaust survivors Eh bien, notre travail a été présenté dans le New York Times. Cela a permis de bien cadrer la question, car avant cela, l'idée que les enfants des survivants de l'Holocauste avaient des problèmes n'était pas très bien acceptée. Et elle n'était pas acceptée même par les survivants de l'Holocauste. Je veux dire que la plupart des gens pensaient que l'idée même qu'il puisse y avoir des cicatrices durables chez les enfants était stigmatisante et non validée. Ainsi, de nombreux spécialistes de la psychologie sociale et de la sociologie ont écrit sur la résilience et sur l'idée que les survivants de l'Holocauste s'adaptaient mieux dans de nombreuses situations et que leurs enfants s'en sortaient également bien. Ils étaient éduqués, ils avaient de bons emplois. Mais je pense que lorsque l'article parle du fait qu'il pourrait y avoir des manifestations de troubles de stress post-traumatique chez les enfants adultes des survivants de l'Holocauste, cela a parlé à beaucoup de gens. Beaucoup d'entre eux, à l'intérieur, étaient vraiment dans la tourmente. Ils n'avaient pas réussi à surmonter cette peur que, peu importe la qualité de leur vie, tout pouvait leur être enlevé et détruit en une minute. Ils disaient « Oui, nous sommes d'accord avec cela, vous devriez nous étudier et ouvrir vos cliniques aux descendants de victimes de l'Holocauste. » Et c'est en fait comme ça que nous avons vraiment commencé à avoir un programme de recherche sérieux, parce que beaucoup de ces gens l'ont vraiment fait. J'ai l'impression que cela a été un soulagement. Bon, alors, en fait, tu ne reviens pas à New York? Pourquoi en faire un plat de New York? La ville est à l'agonie. Tu as lu Mort à Venise? Et toi, tu n'as lu Mort à Venise que quand moi, je t'en ai fait cadeau? Ah, ça c'est vrai. Mais les seuls livres que tu m'aies offerts avaient le mot mort dans le titre. C'est vrai, mais c'est une question importante, tout de même. Alvi, tu es incapable de vraiment jouir de la vie. Tu en es conscient? Mais je ne goûte aux joies de l'existence que si mon prochain y goûte. S'il y a seulement un seul être qui crève de faim sur cette terre, eh bien ça, tu vois, ça fout ma soirée par terre. Des familles où tout le monde meurt rapidement, le père, la mère et les enfants. Il y a des familles où tous sont vivants, même les vieilles tantes. Il y a des familles de centenaires, de mort-nés, de claqués, de crevés. Être défunt, c'est héréditaire, c'est héréditaire. Faire ces expériences, ces études chez l'homme sont très compliquées parce que ces expériences chez l'homme sont jamais faites sur un fond génétique pur. Ça veut dire qu'il y a plein de changements entre les enfants et les parents. Donc, le cause et effet est très, très compliqué. Donc, il y a une transmission culturelle avec une transmission génétique, avec une transmission épigénétique, avec une transmission microbiote, parce que ça, on sait, c'est très important, la transmission de microbiote au moment de l'accouchement. Donc, c'est très difficile à dire qu'est-ce qui est génétique, épigénétique, microbiote, environnemental et culturel. C'est fascinant. Et c'est des questions qu'il faut poser. Mais il faut poser avec beaucoup de prudence, parce que c'est trop simple de faire une conclusion statistique de corrélation. Souvent, quand on fait ces expériences avec un petit échantillonnage, on voit que oui, ça a l'air d'être corrélé. Après, quand on fait ça sur les populations beaucoup plus larges, on voit que c'était juste un effet, un biais statistique. Donc, moi, je dis pas non et je dis même pas oui. Je crois en rien. Je vois et j'essaie d'interpréter avec le contexte dans lequel, les outils que j'ai pour interpréter. Et je m'aperçois que c'est la première fois qu'on fait un lien entre la culpabilité, la responsabilité qu'on attribue aux femmes dans ces processus de transmission. Alors, je sais pas, est-ce que l'épigénétique est sexiste? Je dirais pas jusque-là, tout ça s'insère dans... C'est l'usage qu'on en fait. C'est compréhensible qu'on se focalise, on pourrait dire, sur les femmes, parce que c'est les femmes qui portent les enfants, c'est les femmes qui passent le plus de temps statistiquement avec les enfants, etc. Donc, mais en même temps, aussi leur condition en tant que femme est due à la façon dont notre société s'est constituée, et c'est là depuis des siècles. Donc je pense que la meilleure chose à faire, c'est de prendre tous ces niveaux en compte, du niveau strictement biologique, moléculaire même, au sein des ventes des femmes, jusqu'au niveau culturel, pour vraiment essayer de comprendre quelles sont les causes, même structurelles, pas seulement les causes proches de cette influence qu'elles peuvent avoir sur leur descendance. Et c'est là que la responsabilité collective, me semble, entre en jeu. L'épigénétique est considérée comme le pont entre le social et le biologique qui permet cet embodiment, on parle d'incorporation des traumas, comme d'une certaine situation socio-économique, etc. Et il y a beaucoup d'études là-dessus, sur les déterminants sociaux de la santé, en fait, et comment les inégalités sociales peuvent avoir un impact sur les inégalités de santé. D'ailleurs, ça, on le sait depuis longtemps, que le fait d'être plus pauvre et du coup d'avoir accès à la nourriture de moins bonne qualité a un impact sur notre santé. Maintenant, on commence à comprendre mécanistiquement comment ça marche, jusqu'au niveau moléculaire. Même si on pourrait aussi se demander, est-ce qu'on a besoin de connaître les mécanismes pour pouvoir intervenir, en fait, et résoudre ce genre de problème ? Est-ce que Virginie vous a emmené, Joséphine, dans ce travail de fouille du passé, vers d'autres expériences, d'autres découvertes, et lesquelles ? En fait, on s'est aperçu que la femme dans ma lignée généalogique était une marâtre, en fait. C'était, voilà, il n'y avait pas beaucoup de place pour les hommes. Moi, j'en ai trois à la maison. Bon, je pense pas avoir eu ce schéma répétitif. Néanmoins, à certains moments de ma vie, effectivement, peut-être que j'aurais eu tendance à prendre le dessus et pas de manière très très agréable, en tout cas pour mon mari et mes enfants. Et ça, le fait de le savoir, ça permet aussi de moi me repositionner, sachant que la majorité des femmes chez moi sont toutes célibataires. Donc je crois que j'ai fait un gros travail là-dessus. Par exemple, je me souviens vous êtes venue à une séance, vous aviez mangé énormément. Des pulsions alimentaires, de sucre, de gras, des gaufres, des crêpes, des gâteaux, des trucs qui rassurent, et après on s'en veut. Mais en fait, tout ça, effectivement, c'est un manque affectif qu'on essaye de combler. Et y a des choses qui sont magiques, parce que la puissance de la pensée, parfois, ça aide. Oh, je suis pas bien, oh, je suis en manque affectif, oh là là, je suis triste, oh là là. Et en fait, on s'enfonce dans une spirale qui fait que, on n'arrive pas à rebondir. Bon, allez, aujourd'hui, tout est cool, tout est bien, je vais bien, je mets la musique qui me dynamise, je vais prendre l'air, voilà. Et puis on remonte, et puis on y va, et puis, parce qu'on se nourrit de pensées positives, réellement, qui font que ça, waouh! Ce que la psychogénéalogie manipule sans aucun fondement scientifique et sans être remboursé par la sécurité sociale, c'est un concept qui oppose les scientifiques depuis des lunes. L'héritabilité des caractères acquis. Ou comment nos gènes se modifieraient sous l'influence de notre environnement. Et puis, pire, se transmettraient ainsi modifiés à notre descendance. Et la mécanique épigénétique serait la trouvaille inventée par le vivant pour réaliser un tel miracle. Or, c'est connu, les histoires de miracles finissent mal en général. Bon, alors, il y a quelque chose qui est à la fois enchante et qui inquiète dans les mécanismes épigénétiques et dont on entend parler, c'est que dans sa définition même, l'épigénétique, il y a une part d'héritabilité, c'est-à-dire que des choses qui vont se transformer dans l'expression de nos gènes, eh bien, on va les transmettre à notre descendance et peut-être à la descendance de notre descendance. Et donc, c'est un peu vertigineux d'imaginer que des modifications dont on sera le creuset, on va les transmettre à nos descendants. Ça peut être formidable ou formidablement inquiétant. Oui, mais Pourquoi les gens sont inquiets? Est-ce que la connaissance est inquiétante? Quand on disait qu'on avait le génome humain, donc on pouvait voir les différences entre nous et voir qu'il y avait peu de différences génétiques, donc les gens disaient qu'ils étaient victimes un peu de leur patrimoine génétique. L'épigénétique vient d'ajouter un mot optimiste. Rien n'est figé. Deux jumeaux, le même génome, mais pas les mêmes réussites ou les mêmes succès ou les mêmes échecs. Et que l'épigénétique vient avec une lecture fine et potentiellement réversible. Je crois que c'est une chose qui intéresse énormément les biologistes, c'est que les identités ne sont pas figées, ils sont influencées et influençables. Et aussi pris par tous les fantasmes de ce que vous pouvez voir, les conseillers épigénétiques, les coachs épigénétiques, les crèmes épigénétiques et tout ça. Donc, je crois que ça, moi, je suis un optimiste. On ne peut pas faire ce métier si on n'est pas optimiste. Et en plus, j'ai un frère jumeau. Donc, l'idée que mon identité n'est pas forcément la même que mon frère, nos destins ne sont pas exactement pareils. Et que je trouve ça très, très optimiste. Mais il y a une certaine responsabilité aussi. Pas juste une responsabilité parentale, parce que d'être parent, c'est difficile. Donc, on est toujours responsable pour tout et toujours irresponsable en tant que parent. Mais une responsabilité pour la planète. Je crois le fait qu'on a pris conscience que la planète, le destin de la planète est très lié à notre destin. Et ça, au niveau politique, mais aussi au niveau très, très moléculaire, très physiologique. Je crois que ça, maintenant, on réfléchit à quel type de nourriture je mets dans mon corps, quel type de comportement, quel type de... Qu'est-ce que je fume, qu'est-ce que je bois, qu'est-ce que... Donc, je crois que la société a changé et l'épigénétique vient un peu accompagner ce changement de société. Et ce qu'on voit depuis une trentaine d'années, c'est que sur l'ADN et autour de l'ADN, il y a des petites marques chimiques. Un peu, moi j'aime dire, un peu comme les accents en français. Oui? Les accents qui vont changer le sens sont changer les lettres. Le gène et la gène, les mêmes lettres, mais un sens complètement différent. Parce que l'accent grave est mis ou enlevé. Donc on a les accents moléculaires qui vont changer la lecture de l'ADN sans changer les lettres. Et donc, si ces marques sont des petites modifications chimiques, on peut les étudier. On peut voir dans quelle situation ils arrivent, est-ce qu'ils sont enlevés. Et donc, on peut commencer à tracer ces marques pour voir quel type d'événement. On pense souvent à des moments de stress, par exemple. On pense aussi à la nourriture. On pense aux pollutions. Peut-être la mort et le sport et les choses bien aussi. Je ne sais pas pourquoi l'épigénétique serait juste des mauvais souvenirs. Mais, donc on pouvait même envisager un scénario biologique que c'est important que le corps humain et même les descendants du corps humain soient conscients des choses dangereuses. Et donc il y a il y a une logique du vivant d'avoir mémoire de l'environnement. Donc ça, on pouvait dire ça, mais après, il faut avoir des expériences très claires pour étudier. Et donc, on commence à voir les petites molécules, les médicaments qui vont toucher ces enzymes, ces machines qui posent les accents ou qui enlèvent les accents. Et donc ça, on est au début. Par exemple, le cancer. Le cancer, c'est une maladie génétique. Il y a des mutations, des changements. Les mutations, ça veut dire qu'un changement, une erreur dans l'ADN. L'erreur de l'ADN, on ne sait pas aujourd'hui corriger. On peut faire dans un tube à essai, mais on ne peut pas faire dans un être humain. On peut très, très difficile à corriger. On sait un petit peu, mais c'est très compliqué, très technique et très dangereux. Alors que les accents, si je sais quelles sont les machines qui posent les accents, je peux peut-être changer les accents. Et ça, on peut, dans mon équipe, dans une petite équipe, on essaie d'étudier la réversibilité de ces marques dans un contexte tumoral et dans un contexte infectieux. Mais j'ai l'espoir parce qu'on commence à comprendre les règles de jeu, les règles moléculaires, et d'avoir les outils de plus en plus précis pour manipuler ça. Moi, la question, c'est est-ce que je peux avoir une explication moléculaire comment ces événements sont traduits en mémoire? C'est séduisant comme idée, mais ça ne suffit pas d'être séduit. Il faut avoir des manips qui peuvent montrer au niveau moléculaire. Ton ADN, j'aime ton ADN. Sans ton ADN, c'est un Éden où c'est toujours la nuit. J'aime ta dégaine, donc ton ADN. Sans ton ADN, c'est un Éden où je suis toujours assis. On dirait tes gestes un peu ta maman, on dirait tes mots un peu ton papa. C'était Épigénétique quand l'ADN fait son intéressant. Une affaire d'héritage. Avec Virginie Lefranc, Joséphine, Jonathan Weitzman, Rachel Yehuda, Francisca Merlin. Lecture, Lison Pinet. Remerciements, Mélanie Hamon. Prise de son, Romain Luquiens, Alix Barrois, Pierre Henry. Mixage, Benjamin Vignal. Mon ADN. Documentaliste Tina, Delphine André. Attachée de production Marie-Vonne Bolivier et Anaï Morales. Stagiaire Malo Toquet. Coordination Perrine Kervran. Une série documentaire de Franck Guvelier, réalisée par Véronique Samouilov. On dirait ses mots, un peu son papa, un peu son maman, un peu sa papa. Si tu vois ce que je vois. C'est un Éden où c'est toujours la nuit.